Je ne pars pas cet été, bien fait pour l'été, pas de nichon à téter, bien fait pour les nénés. Le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, et mon cœur s'envole. Je jouerai pas du djembé, bien fait pour les djembés. J'irai pas me baigner, bien fait pour les beignets. Le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, et mon cœur s'envole. Je ne ferai que chanter, bien fait pour le quartier. Je serai prêt à tout, car tout peut arriver. Le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, le mois d'août sans vous, et mon cœur s'envole. Quand je serai de retour, je vous donnerai mes chansons qui seront, parions-le, mille fois plus bronzées que vous. Le mois d'août s'envole, le mois d'août s'envole, le mois d'août s'envole, et mon cœur est à vous.